silence. Je m'attends à toi. Ma victoire est certaine. Tu as combattu pour moi. Remporter le combat. Je m'attends à toi. À toi la gloire et la louange. Tu t'es offert sur la croix. Espérance.